tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi 23h si vous avez loupé le début. Cette semaine, La République et les croyants, une série de Catherine Escrive réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a pour commencer l'idée qu'il faut parler des religions, et pas seulement de la religion musulmane. L'idée aussi qu'il faut élargir la focale et ne pas se focaliser sur les extrémistes intégristes. Peut-être qu'il faudrait pour commencer réfléchir aux croyants, à ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas toujours, et qui tentent de faire cohabiter leur foi avec les principes républicains, parfois même jusque sur les divans où ils s'allongent. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste et ses questions, un psychanalyste face aux croyances, une patiente qui ne sait pas si son choix est une fuite, un jésuite devenu psy, une psychanalyste qui se méfie, un pape analysé, une rabbin qui fait des associations, une psy qui a la foi, un patient qui se dérobe un peu et une pasteur qui a appris à écouter sur le divan. Ensuite, le décor. Des divans, des salles d'attente et des cabinets, la religion qui emprisonne et celle qui libère, une conversation, des éducations religieuses, une discipline qui sent le soufre, des lapsus partout, des croyances et des valeurs, la vérité comme un étendard, un psaume partagé en séance, de la méditation, des rituels psychanalytiques et toujours un peu de culpabilité. Aujourd'hui, 3e épisode, on arrive en retard à la réunion. Divin, divan. Catherine Escrive, Rafik Zénine. J'étais à 100 ans, Fabita qui a 101 maintenant. Elle a 101. Voilà, donc finalement, la thé. Ça maintient. Ça maintient. On vit. On arrive très vite. Certains, en tout cas. Je vais interrompre cet échange dans lequel vous nous accueillez. Je crois que vous êtes en réunion de supervision, c'est comme ça qu'on dit Pas vraiment, on est en équipe pédagogique. Équipe pédagogique. Vous êtes des élèves? Alors, des enseignants. Des enseignants. Des enseignants. Alors, t'es si jeune, c'est pas tous des enseignants. Si on vient un peu vous écouter aujourd'hui, c'est parce que dans ce documentaire, je m'approche un peu, intitulé Divin Divan, nous allons évoquer la manière dont les psychothérapeutes intègrent ou pas d'ailleurs, la dimension religieuse de leurs patients en psychothérapie. Et ce que j'avais envie de vous demander, et peut-être que vous échangez autour de ça, c'est d'abord, pour vous, quel lien y a-t-il entre psychologie et spiritualité, déjà, dans votre approche? Et puis, deuxième temps, savoir si vous connaissez des patients tellement imprégnés par la tradition religieuse, par leur propre tradition, qu'ils ne peuvent guérir que si vous en tenez compte. Et puis, à contrario, est-ce qu'il y a des patients, justement, tellement enfermés dans un système de croyances ou de traditions qu'il faut les aider à s'en libérer, justement? Oui, c'est une question très intéressante. On pourrait chacun vous faire un discours d'une bonne demi-heure. C'est ça. Tenir compte, évidemment, de l'engagement religieux des personnes, c'est pas possible de pouvoir travailler avec quelqu'un sans prendre ça en compte, parce que ça fait partie justement de son histoire, de là où il arrive avec nous. Et que les deux autres questions, à savoir si c'est enfermant, bien sûr ça peut être enfermant, et à ce moment-là il y a besoin qu'il traite ça, qu'il soit plus autonome par rapport à une croyance religieuse. Enfin, moi, ma conviction, c'est pas que des personnes arrêtent leur conviction religieuse, mais qu'elles puissent le faire d'une façon mature, si elles choisissent ça. En tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça dépend comment la religion est utilisée. C'est-à-dire, soit pour se défendre et résister à des choses, des angoisses profondes, donc à ce moment-là, souvent, ils y tiennent. Et bon, et si bien en thérapie, évidemment, on va au départ respecter, mais pour les aider aussi à évoluer, hein, soit au contraire, dirais-je, c'est un complément, et à ce moment-là, bon, ça devient aussi intéressant. Donc, il faut voir toujours, est-ce que c'est quelque chose de défensif qu'il faut aider au contraire à ouvrir pour que, dirais-je, l'épanouissement puisse commencer ou pas, hein. Voilà, ça c'est... C'est une vraie question, je trouve difficile. Moi, j'ai eu une patiente qui hésitait beaucoup à devenir bonne sœur. Et tout le travail, c'était de savoir si c'était une fuite ou un choix. Ouais, voilà. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Tout du long, ce travail entre est-ce que j'y vais parce que je me sens appelée et que c'est quelque chose vraiment qui fait partie de mon désir, ou est-ce que c'est une façon de fuir d'autres désirs qui sont interdits. Mais il y a des choses moins graves. On voit quelquefois des gens qui s'en servent défensivement, de façon moins criante, et simplement à dire « Ah mais non, ça je ne peux pas faire parce que Dieu ne serait pas d'accord. » On peut être très bloqué par des gens qui restent finalement très enfants, comme nous disons chez nous. Et à ce moment-là, c'est une sorte de prétexte pour ne pas s'autonomiser, parce que Dieu ne voudrait pas. Voilà, moi je pensais à ça également. Lorsque je vois des personnes qui sont avec de très fortes résistances pour pouvoir vivre leur vie, actualiser leurs désirs, etc., souvent je vais voir quelle a été leur éducation religieuse au départ, parce que dans la culture judéo-chrétienne, il y a tellement d'interdits. Par exemple, l'interdit de se sentir bien avec soi, etc., etc., et qui viennent bloquer. Et parfois, il y a besoin de débloquer à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, ils n'ont pas de pratique religieuse si c'est leur choix, mais débloquer pour qu'ils puissent s'épanouir. L'analyste doit être donc, vis-à-vis de ses analysants, sans Dieu ni maître. Mais vous-même n'avez pas toujours été sans Dieu ni maître, si j'ose dire. Le thérapeute François Roustan, devant la caméra de Daniel Friedman, en 1983. Non, de fait, vous faites allusion à mon passé, je crois qu'il n'est pas secret. J'ai été jésuite pendant une vingtaine d'années. Et de fait, pendant cette période-là, j'ai de fait eu à la fois Dieu et maître. Mais je ne sais pas où vous voulez en venir par votre question. Pourriez-vous préciser qu'est-ce que c'est que d'être psychanalyste ? À partir de là ? Oui. C'est-à-dire la comparaison que je ferais, c'est je dirais que quand quelqu'un est prêtre, il est fatalement le dépositaire d'une doctrine, d'une morale, qu'il a à faire entendre, qu'il a aussi à faire répéter et qu'il a à faire pratiquer. Alors que le psychanalyste n'est lié, je dirais, à aucune doctrine, je dirais même pas la doctrine analytique. C'est-à-dire que la théorie analytique, si elle n'est pas sans cesse remise en question, peut devenir une théorie qui joue le rôle d'un dogme ou le rôle même d'une morale. Religion et psychothérapie entretiennent des relations complexes. Ces deux domaines paraissent encore incompatibles à certains. Mais d'autres, praticiens et patients, trouvent une réelle complémentarité entre spiritualité et psychothérapie. Anne-Marie Sonal, psychanalyste. Alors la psychanalyse, effectivement, suspecte un petit peu la religion, plus que la spiritualité, je dirais. Hein. Effectivement, elle a une posture d'interrogation, de non-évidence, et elles n'ont pas toujours fait bon ménage, justement, la psychanalyse et la religion. Mais alors, que suspecte-t-on qui pourrait déranger finalement un travail psychanalytique? Alors effectivement, c'est plutôt la pratique religieuse qui est contestée. Contestée, ça pourrait sembler des rites obsessionnels. Hein, voyez, on peut penser que les personnes pratiquantes ont besoin de ces rites, de ces rituels. Qu'elles n'ont pas résolu, par exemple, dans les religions monothéistes, que ces personnes n'ont pas résolu la question du Père, hein, en ayant besoin d'imaginer un Père dans les cieux, alors maintenant bienveillant, mais dans le temps du Premier Testament, il n'était pas toujours bienveillant. Il y a aussi une sorte de prolifération de l'imaginaire, dans la vie religieuse et spirituelle. Donc c'est cet imaginaire également qui est interrogé, Hein, comment peut-on consacrer sa vie, parfois même aller jusqu'à consacrer sa vie à un être qui n'est pas visible, dont tout pourrait démentir l'existence. Et qu'est-ce qui peut effrayer alors les croyants ? Dans la psychanalyse, on entend souvent ça, notamment chez des personnes chrétiennes qui disent « Mais si tu vas voir un psychanalyste, tu vas tout casser, tu vas plus du tout être le même. » Voilà, donc en effet, la psychanalyse a un peu une odeur de brûlé, si on peut dire, bien que le nouveau pape l'a presque sacralisé en disant que lui-même avait vécu une cure analytique. Eh bien, écoutez, tout simplement, les catholiques, moi, je suis plus en contact avec des personnes catholiques. Elles ont peur de perdre leur foi. C'est ça la grande idée, perdre sa foi, peut-être se divorcer, se séparer, perdre ses valeurs. Ça fait peur parce que c'est un travail de vérité, c'est un travail où on devient davantage soi-même. Hein, c'est un travail de vérité qui pourrait avoir des points communs avec le travail analytique, spirituel, pardon. Mais effectivement, certains catholiques ont peur de mal tourner, de mettre la jouissance au centre de leur vie. Nous n'avons pas très bonne réputation, les psychanalystes. Alors, ce que les personnes oublient, c'est que quand on est psychanalyste, déjà bien formé, on est au contraire on peut être très ouvert aux dimensions des patients. En fait, on doit respecter leur religion, leurs idéaux, même si, par exemple, dans la foi, on travaille sur les représentations de Dieu, du Père, du Fils, de Marie pour les chrétiens. Ce travail sur les représentations est très important et la foi peut effectivement évoluer, entre guillemets, se dépouiller un petit peu pendant un parcours analytique. La psychanalyste chrétienne Anne-Marie Sonal souligne dans son ouvrage « Des vies restaurées » qu'il y a parfois une réticence pour les chrétiens à aller vers un psychologue, un psychanalyste, parce qu'il y a une peur de déconstruire des représentations, déconstruire une vie. J'aimerais savoir si dans la tradition juive, il y a cette réticence ou s'il y a plutôt une pratique. Et pourquoi est-ce que la tradition porte en elle quelque chose qui permettrait aux juifs d'aller plus facilement vers la psychologie ? Alors, il y a beaucoup, évidemment, de psychologues, psychanalystes, psychiatres qui sont juifs. Et effectivement, on peut se demander si la tradition juive a pas en elle, puisque les grands théoriciens de la psychologie ont été, pour beaucoup, des juifs. Pauline Beb, rabbin. Je pense qu'il y a une construction mentale qui ressemble à la construction talmudique. C'est-à-dire que, par association d'idées, le Talmud fonctionne comme ça. La pensée juive n'est pas cartésienne. Elle a du mal à faire des plans. C'est pas une tradition non plus très philosophique dans le sens théoricienne. C'est une tradition qui est plus pragmatique. Alors tout ça fait que on est proche des penseurs et des psychologues dont il faut s'inspirer et dont on peut apprendre. Donc cette idée talmudique, on part d'un tronc central et puis on s'écarte, en fait, on va sur un chemin et on revient en fonction des associations de mots et d'idées. C'est typiquement le fonctionnement du judaïsme. Donc oui, il y a cette proximité de fonctionnement. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir aussi des réticences dans la communauté juive comme dans la communauté chrétienne à se livrer. Et surtout, peut-être moins maintenant, mais à l'époque où la psychologie faisait la guerre à la religion, il y a encore quelques psychologues qui sont très anti-religieux, conformément aussi à des grands fondateurs qui considéraient que les religions étaient des formes de déviance. Je crois qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de thérapeutes qui acceptent les pensées religieuses. Et donc, il y a forcément chez eux, donc ça pose pas de problème, mais chez ceux qui sont anti-religieux, quelqu'un qui fréquente une communauté ou donc un rabbin ou même d'autres lieux de culte peut avoir du mal à se sentir à aller chez quelqu'un pour livrer sa parole ou ses secrets et se sentir jugé, même si le psychologue se doit d'être neutre, mais c'est quand même se sentir jugé sur ses convictions. Donc je pense qu'il y a toujours cela, et il y a encore des gens qui me disent bah écoutez, je préfère venir vous voir que d'aller voir un psychologue. Et alors peut-être des fois je peux répondre à leur demande, des fois je ne peux pas, et ça on a bien appris à distinguer les deux. Lacan a énoncé très clairement, la psychanalyse c'est le midrash, c'est lui qui a dit cela, c'est Lacan. Le psychanalyste Gérard Haddad devant la caméra de Daniel Friedman en 1983. Ce qui se révèle, c'est ceci, c'est que les opérateurs que l'on trouve dans Freud, pour ne pas parler de concept, sont les mêmes, mais textuellement les mêmes, il ne s'agit pas de tripatouiller les textes ou de forcer quoi que ce soit, ce sont les mêmes que ceux du Midrash. Le Midrash, c'est une façon de faire, en quelque sorte, avouer à un texte des significations qui ne sont pas manifestes. En quelque sorte, c'est de poser que dans tout énoncé, il y a un autre niveau, un niveau, comme Freud le disait, un niveau latent, que tout énoncé est clivé en un contenu manifeste, un contenu latent, ce que Lacan appelait, d'une certaine façon, on recoupe ceci, le niveau de l'énoncé, le niveau de l'énonciation. En quelque sorte, donc, je vous disais que Freud a remis en circulation dans la culture occidentale, par sa psychanalyse, ce qui avait été puissamment refoulé depuis des siècles, et dont même les Juifs eux-mêmes ne voulaient plus entendre parler, parce qu'on les traitait de cinglés à cause de cette pensée juive. Je ne sais plus quel empereur romain disait « Les Juifs sont fous de penser de cette façon-là ». Grâce à Freud, le judaïsme devient quelque chose de pensable. « Shir la ma'alot, esa einay el harim, me'ayin yavo ezri, ezri me'im ha'asheh, ose shamayim. » Vous avez, Isabelle Crespel, développé tout au long de votre parcours un intérêt et une connaissance des spiritualités en général. Pourtant, longtemps, certains patients, même croyants, ont rejeté la dimension spirituelle. On a peur de démolir des choses ? Ah, c'est ça. C'est ça. On fait la différence, je ferai la différence entre des valeurs et des croyances. Les valeurs fondamentales, elles sont d'ordre éthique, religieux, social, enfin, il y a beaucoup de valeurs qui composent ma vie, avec ce que je pense être la vie que je souhaite conduire. Et il y a des croyances. Alors les croyances, elles sont plutôt, dans notre jargon d'analyse transactionnelle, ce qu'on appelle des croyances, c'est des choses que l'on croit, mais qui ne sont pas forcément réelles. Alors je peux avoir des croyances si, par exemple, j'ai été mordu par un chien quand j'étais enfant. Je vais croire que tous les chiens, quand ils m'approchent, ils sont dangereux. C'est une croyance, c'est pas forcément une réalité. Or, les croyances religieuses sont faites, je crois, à la fois de croyances, avec des peurs que si je fais pas bien, je vais aller en enfer, je vais être puni, enfin, toutes ces choses-là. Et il y a aussi des valeurs dans les croyances religieuses. Je crois que dans la religion, les deux choses sont peut-être mélangées. Je vais, moi, accompagner mon patient, mon client, dans ses valeurs fondamentales, mais pas dans ses croyances. Quand je vous ai contacté pour que vous participiez à ce documentaire, vous m'avez dit « Je ne souhaite absolument pas dire à quelle confession j'appartiens et si même j'appartiens à une confession. Pourquoi ?» Parce que je ne souhaite pas mettre une étiquette d'ordre religieux sur mon nom en tant que thérapeute, dans la mesure où notre rôle est de ne pas intervenir auprès de nos clients, de nos patients, avec une connotation, une couleur particulière. Dans quelle mesure ? Ben, pour accueillir toute pensée, toute valeur religieuse, sans avoir une connotation, c'est pas moi, c'est différent. Et dans la base de notre métier, c'est vrai, évidemment d'accepter les différences. Or, si je m'affiche en étant d'une confession particulière. En fait, je suis croyante, mais je n'ai pas envie de spécifier dans quel domaine. Pourquoi ? Parce qu'en plus, je me sens proche de... Je suis beaucoup plus proche de personnes qui ont la foi, avec des religions différentes, que de personnes qui n'ont pas du tout de croyance. Anne-Marie Sonal, au début de votre carrière, vous m'avez confié ne pas... Vous êtes déclarée chrétienne et puis peu à peu, vous êtes arrivée à articuler justement votre métier de psychanalyste avec votre vie spirituelle. Ça s'est passé comment ? Alors, c'est vrai qu'au début, pendant disons les 10-15 premières années, j'étais dans un cabinet médical avec des médecins spécialistes et par pudeur ou par je ne parlais pas du tout de ma foi et encore moins dans la société de psychanalyse à laquelle j'appartiens. Effectivement, c'est venu avec les circonstances, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à donner des conférences et à écrire des articles, puis des livres, qui sont toujours le fruit d'une rencontre, effectivement, je dirais que c'est beaucoup plus les autres qui m'ont renvoyé cette question dans les dîners amicaux, partout. Mais comment pouvez-vous être à la fois psychanalyste et chrétienne ? Ça paraissait un mystère insondable. Moi-même, quand j'ai eu besoin de faire une analyse, j'avais à cœur que l'analyste respecte ma foi et qu'il puisse entendre cette dimension de moi. C'est une dimension importante dans ma vie et effectivement, j'ai demandé à un psychanalyste chrétien et c'était très surprenant, mais ça n'est pas parce que l'on est un analyste qui a la foi que l'on va empêcher le patient de se poser la question pour son propre compte. Alors, nous sommes ici dans votre cabinet. Si on regarde autour de nous, on peut voir une icône, par exemple. Ça apparaît. Ce que je voulais savoir, c'est s'il vous arrive d'accueillir ici et de prendre en charge dans votre cabinet des religieux ou des ministres du culte. Et si oui, le travail avec eux est-il spécifique ? Alors, l'icône, et je précise quand même qu'a priori, le patient ne peut pas la voir, mais c'est pour moi, elle est en face de moi. Effectivement, j'ai vraiment le bonheur depuis une quinzaine d'années d'accueillir plusieurs religieux régulièrement. Très peu de prêtres, mais des religieux et des religieuses, ou alors des laïcs consacrés, qui vivent dans la vie, mais qui sont consacrés intérieurement. Si vous voulez, pendant les moments de stricte écoute, je suis une analyste comme les autres, heureusement. Mais alors, ce qui est particulier avec des religieux ou même avec des laïcs, qui ont vraiment une foi vivante et importante dans leur vie, c'est que j'accepte d'écouter leurs questions religieuses. De toute façon, ils ne pourraient pas ne pas en parler. Alors, bien sûr, je fais attention à ce que le patient ne parle pas que de la foi pour faire résistance à son traitement, à sa cure. Certains le font, ils ne parlent que de ça. Alors, à ce moment-là, je suis vigilante et je leur demande s'ils n'ont pas un accompagnateur spirituel, ce qui est très tendance depuis quelques décennies. Je leur propose d'en parler plutôt à leurs accompagnateurs. Guillaume, de quelle confession êtes-vous ? Alors, je suis catholique romain, comme on dit. Voilà. Comment avez-vous choisi Anne-Marie Sonal comme psychanalyste ? Saviez-vous, en poussant la porte de son cabinet, qu'elle était une psychanalyste qui se dit chrétienne ? Alors en fait, non, pas du tout. J'avais absolument aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais au départ. Et donc ça a été... je me suis aperçu qu'elle avait écrit quelques livres et dans lesquels elle disait qu'elle était catholique, effectivement. Mais je ne le savais pas avant de commencer, non ? Dans le milieu chrétien, ou parfois dans le milieu musulman, il arrive que les croyants aient une réticence envers une démarche psychanalytique. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, ça ? Ce que je lui ai dit assez vite, je crois, c'était « j'aime trop la vérité » pour ne pas lui donner sa place. Bien sûr, quand on est chrétien, on va très souvent à la source de la vérité, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est les sacrements, donc la messe, enfin l'Eucharistie. Il y a la confession aussi, qui est quand même en pas mal de points assez proche de... Enfin, pas proche, mais qui est une démarche quand même de vérité face à un tiers, qui est quand même assez... on peut voir des similitudes. Et voilà, l'Église n'a pas attendu que Freud naisse pour se faire ce type d'exercice. Justement, quel lien entre confession et psychanalyse pour vous ? Alors, pour moi, bon, c'est effectivement les démarches ont l'air un peu, un petit peu similaires, enfin, ont des similitudes plutôt. Mais donc, la psychanalyse, c'est vraiment l'étude, pour moi, de la mécanique de l'âme, c'est-à-dire qu'on va tirer sur un fil, c'est-à-dire une pensée, on va enchaîner des pensées qui elles-mêmes se chaînent dans notre esprit, se poser la question pourquoi elles nous mènent à tel ou tel endroit. Et mettre en évidence des nœuds ou des difficultés ou des fonctionnements un peu négatifs ou négatifs de notre pensée. Alors que la confession, c'est une démarche de contrition et de pardon. Donc c'est-à-dire que on se présente avec nos péchés, nos fautes. Qui sont probablement les mêmes que la fois précédente, mais c'est pas le problème. C'est que on demande pardon à Dieu. On essaie déjà d'en ressentir une contrition, c'est-à-dire vraiment un regret sincère. Ce qui veut pas dire se mettre plus bactère, se prendre pour un nul, parce qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, on est à l'image de Dieu et donc on peut pas non plus se traîner à bout soi-même. On peut pas se mépriser. Et donc c'est juste demander, c'est une démarche de pardon. Donc là, on attend le secours d'un tiers. Alors que dans la psychanalyse, d'un tiers en plus du prêtre qui est Dieu, qui est le pardon de Dieu. Alors que dans la psychanalyse, c'est vraiment quelque chose qui se joue, où on essaie de démêler. Donc c'est un peu différent, oui. Guillaume, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que Madame Sonal priait parfois pour ses patients, qu'elle pouvait lire des psaumes avec eux ? Et puis, vous est-il arrivé d'avoir une telle démarche avec elle dans son cabinet, par exemple ? Alors, il me semblait bien que... Je crois qu'elle ne m'avait jamais dit qu'elle priait pour ses patients, mais que ça me paraissait quand même assez évident, puisque on fait tout ça. Enfin, quand on est chrétien, on prie pour ses collègues, ceux qu'on aime, ceux qu'on aime moins... Enfin, tous les gens qu'on côtoie, ceux qu'on voit dans le métro, qui ont l'air tristes, enfin, n'importe qui. Ça ne me surprend pas. Et c'est une idée qui me plaisait assez. Aussi, il m'est arrivé une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on fait de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'on tire une pensée et il vient ce qui vient, c'est-à-dire ce qui vous vient à l'esprit. Et il faut le dire. Et une fois, m'est venu à l'esprit un psaume que j'aime beaucoup, et effectivement j'ai pas hésité à le lire, parce que je me suis dit elle va comprendre, elle va voir ce que c'est, elle l'a déjà lu, ça va évoquer quelque chose et peut-être que ça va résonner aussi avec elle, avec son inconscient à elle. Et ça a été le cas ? Eh bien oui, je pense, parce que sur le moment je l'ai entendu dire oui, elle a fait un son, en tout cas indescriptible, qui m'a fait comprendre qu'elle voyait très bien le psaume dont je parlais. Donc c'était le psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Pauline Bèbe, comment certaines pratiques religieuses, comme la méditation, la lecture de textes, la prière, peuvent-elles rejoindre ou accompagner des traitements psychothérapeutiques ? Alors, on peut dire qu'un certain nombre de rites font du bien. Et moi, je suis souvent frappée d'entendre les gens dire « je suis allée à un office, je me sens mieux après ». Je crois que tout temps de spiritualité est important. Et ce sont des respirations dans la vie. Je dis souvent aux gens qui viennent me voir qu'il y a 3-4 piliers dans nos vies. Il y a la vie affective, il y a le travail, il y a le sport, les exercices physiques, et puis il y a aussi la spiritualité. Et pendant longtemps, on a voulu froisser cette spiritualité en disant c'est pas la peine, sont des croyances qui sont dépassées. Et je pense que l'être humain en a toujours eu besoin. Lorsqu'on voit des fresques des grottes de préhistoriques, il y a toujours cette idée de spiritualité. Les êtres humains ont ce besoin de spiritualité, ils nous constituent. Et en cela, par exemple, pour les moments importants de nos vies, on a besoin de donner sens à nos vies. Au fond, l'être humain est comme une question ambulante et on se pose des questions sans arrêt. Les responsables religieux, comme les philosophes, comme toute personne ou les scientifiques, tous ceux qui ont une connaissance sur un sujet particulier, vont contribuer à donner du sens. Et au fond, c'est peut-être notre rôle premier, c'est essayer de donner du sens. Les rituels donnent du sens et permettent une forme d'élévation. Les psychothérapeutes et les ministres du culte que nous avons rencontrés s'accordent tous sur un constat. Leurs semblables sont en quête de sens. Dans la société contemporaine, patients et fidèles sont comme déboussolés. C'est donc à des experts de l'âme qu'ils adressent naturellement leurs questions existentielles les plus intimes. Psychothérapie et spiritualité, ces deux champs osent désormais s'approcher, se parler et dans certains cas se compléter. Certains psychothérapeutes envisagent même les pratiques religieuses de leurs patients comme de véritables ressources intérieures. Frédéric Fiol, psychothérapeute à Paris. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches psychothérapeutiques qui s'inspirent du bouddhisme. Parce que le bouddhisme, je crois que sa caractéristique parmi toutes les autres religions, c'est une approche phénoménologique et qui a pour objet principal l'étude de l'esprit. Et on voit bien le lien avec les approches de psychologie, donc d'études de la psyché et donc des démarches psychothérapeutiques. Donc la méditation est une méthode pour pouvoir approcher, connaître l'esprit et le connaître non pas par une connaissance intellectuelle, par le biais d'une connaissance intellectuelle, mais le connaître directement, le rencontrer directement. L'esprit ne peut pas véritablement être approché par le mental, mais ne pourra être connu que par une expérience directe. Et c'est ce que permet de faire la méditation. Isabelle Crespel, comment certaines pratiques religieuses comme la méditation, la lecture de textes, peut-être même la prière, peuvent-elles rejoindre ou accompagner des psychothérapies ? Dans la mesure où mon premier souci ou ma première attente avec un client, c'est de l'aimer pour ce qu'il est et de l'accepter là où il en est. Si pour lui, ce qui va l'aider à apaiser ses souffrances, c'est la prière, eh bien, je vais l'encourager, évidemment, là-dedans. C'est de trouver si c'est avec ce mode-là qu'il va s'apaiser, qu'il va être en accord avec lui-même, en harmonie, eh bien, c'est quelque chose qu'il pourra faire. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que vous me disiez ça, parce que je me souviens que j'ai eu une de mes formatrices, qui était une femme assez célèbre, parce que c'était la fille de Wilhelm Reich, qui s'appelait le médecin Eva Reich, qui m'a formée à l'approche reichienne, donc, du corps. Et elle était très spiritualisée. Et quand elle faisait un travail thérapeutique, puisqu'elle était thérapeute, sur le corps, sur les cuirasses corporelles, alors elle faisait un travail avec les mains, qu'elle touchait à peine avec beaucoup de délicatesse, et en même temps, elle faisait une prière. Alors, et elle disait, elle appelait Dieu. Moi, j'y vois pas de contradiction. Je vois une grande complémentarité. Anne-Sophie Dantan, pasteur. Aujourd'hui, on a un peu remplacé les lieux d'église par les lieux psychologiques. On estime que le tout psychologique va régler les choses, toutes les cellules de crise. C'est important et il faut qu'il y en ait. Mais on ne vient pas remplacer les questions existentielles et spirituelles par le soin psychologique. Ces questions-là, elles sont des questions de l'humanité depuis toujours. Quand on regarde les textes fondateurs de toutes les traditions religieuses, ils tentent de mettre en mots ces questions fondamentales de l'homme. Et ils ne font que ça, avec des témoignages humains, avec des histoires, avec des paraboles, avec des chants. Ce n'est que ça, les textes fondateurs des grandes sagesses religieuses. Ces cris-là, ces questions-là, elles continuent d'exister et elles continueront toujours d'exister. On ne peut pas les museler. plus elles se parlent, je crois, plus elles se partagent et plus l'homme va bien. Souvent, des personnes qui sont dans des conditions de survie extrêmes, de détention ou autres, peuvent exprimer combien la religion peut être une ressource suprême, enfin. Pour vous, la religion, c'est à la fois une ressource symbolique et une ressource concrète. Oui, c'est une ressource symbolique dans la mesure où ça se réfère à des prières, parfois pour un certain nombre de religions, à des figures externes que rarement on rencontre directement. Hein, sont plutôt, on nous donne souvent des descriptions, Dieu, des saints. Et en même temps, c'est très concret parce que dans la plupart des religions, il y a des méthodes qui sont apprises. Ne serait-ce que la prière, il y a des échanges avec des vraies personnes, une figure comme un prêtre, un imam, un lama, il y a des rencontres entre les pratiquants, il y a des lieux très concrets qui sont eux-mêmes chargés d'une énergie. On entend une idée commune circuler aujourd'hui, Anne-Marie Sonal, les psychanalystes, ce sont les nouveaux confesseurs. Alors quel lien entre confession et cabinet de psychanalystes ? Alors c'est très juste parce que j'ai parfois des personnes qui viennent, qui ont vécu un avortement, même thérapeutique, et qui ne l'ont caché pendant 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, ou alors qui ont fait qui ont commis des actes répréhensibles. Et parfois on a vraiment l'impression d'être dans un lieu de confession laïque. Mais bien sûr, l'écoute par l'analyste, pour moi, elle a quelque chose d'inconditionnel, c'est-à-dire qu'on entend, on peut tout entendre et on ne juge, on n'est pas du tout dans le champ du jugement. Et c'est vrai que il y a un côté presque sacré dans les séances, il y a les rituels, il y a la parole, et ça peut évoquer une confession laïque. Beaucoup disent que la psychanalyse est le dernier avatar de la religion. Il faut dire que parfois, nous-mêmes, on idolâtre Freud ou on idolâtre la théorie analytique, qui, il faut le dire, est passionnante. Pour ma part, ce que j'apprécie le plus, c'est la technique psychanalytique. C'est vraiment, je trouve que c'est un outil qui, malgré tout, malgré les critiques, malgré ses limites, la psychothérapie analytique me semble être l'outil qui va le plus en profondeur dans la psyché. Arrêtez-moi. Vous n'en avez pas besoin. Je vous écoute. J'ai manqué. J'ai dit. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce que j'ai fait. Vous faites la branche morte en ce moment. Vous savez ce qu'on leur fait aux branches mortes ? Oui. Qu'est-ce qu'on leur fait ? On les coupe. Et quand on les a coupés, qu'est-ce qu'on en fait ? On les brûle. Oui. Je vous écoute. J'ai essayé d'induire au mal. Ne laissez pas vos phrases en suspens si ça vous fait rien. J'ai voulu entraîner un prêtre à enfreindre ses vœux. J'ai voulu enfreindre moi-même le 9e commandement. Voilà. Demain, vous verrez Daniel. Sachez que votre visite lui fasse un peu de bien. Vous ferez du bien mutuellement. Comme pénitence, vous lirez chaque soir à genoux une page du livre dont vous avez si bien écouté le commentaire. Et maintenant, allez tout à fait en paix. De votre point de vue de thérapeute, cette influence morale judéo-chrétienne, finalement, vous devez la ressentir très souvent. Ah oui. Nous autorisons, en tant que thérapeute en année instructionnelle, d'apporter un avis parental quelquefois. Et je me permets cela, je ne sais pas si mes collègues ou confrères le font, mais je sais que dans la religion catholique, par exemple, il existe le péché par pensée. Et sur un plan psychologique, ça me semble être une erreur grave. Une pensée, on ne choisit pas de l'avoir. La pensée, elle surgit en nous, heureusement, elle surgit malgré nous. Après, on peut se rendre compte, les pensées, il y a des pensées qui nous aident, d'autres qui nous nuisent. Mais la pensée, on ne peut pas l'empêcher d'arriver. Or, dire qu'il y a un péché par pensée, ça veut dire qu'on va s'interdire, on va se sentir coupable si on a pensé alors qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Et on est forcément dans une situation où la culpabilité est dramatique. La culpabilité, elle fait des dommages incroyables sur les personnes. Parce que se sentir coupable de penser, c'est aberrant et ça empêche de se développer. Alors on se retient, alors on se trouve mauvais et on commence à alimenter tout un circuit de pensées négatives sur soi. Et toutes les pensées négatives qu'on a sur soi, elles nous empêchent de nous ouvrir à l'autre et ça détermine des quantités de troubles, vraiment. Ça va jusque vers la pathologie. Et donc, vous voyez que ce péché par pensée, quand j'entends ça, je leur dis, autorisez-vous à penser. Ça ne veut pas dire vous allez être mauvais. Faites la différence, c'est là aussi que c'est intéressant, entre la pensée et l'action. Vous avez le droit de penser n'importe quoi, de fantasmer en fait. Par pensée, j'entends les fantasmes. Et si on n'autorisait pas les fantasmes, eh bien des quantités de personnes passeraient à l'acte de violence, puisqu'elles se seraient interdites. Elles se retiendraient de penser, on ne contrôlerait plus. Ça pourrait aller vraiment très loin. Alors, si vous voulez, la religion peut être culpabilisante, elle a été énormément, notamment dans la religion chrétienne, mais elle trouve un écho avec la culpabilité inconsciente, la culpabilité psychique, que l'on porte tous plus ou moins en nous-mêmes, c'est-à-dire la culpabilité édipienne essentiellement, hein, qui naît d'un complexe d'Édipe trop important, qui n'est pas résolu. La culpabilité ensuite, celle qui est vraiment pathologique, elle fait feu de tout bois, c'est-à-dire que le patient va se culpabiliser de tout et de son contraire. Et effectivement, la religion renforce ce trait pathologique. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir devenir Hare Krishna? Je dis pas que je veux être membre, non mais je sais que vous croyez en la réincarnation, vous voyez, et c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais quelle est votre religion? Alors je suis né juif, vous voyez, mais l'hiver dernier j'ai voulu devenir catholique, seulement c'était pas fait pour moi, non. J'ai étudié, je me suis acharné, je m'y suis donné, enfin bref, le catholicisme pour moi c'était mourir maintenant, payer par traite, vous voyez, et ça vraiment j'ai pas pu m'y faire. Alors là je voulais essayer... Vous avez peur de mourir? Oui, naturellement, pas vous. Non, je voudrais savoir pour la réincarnation, est-ce que pour vous, mon âme va passer dans un autre être humain ou alors est-ce que c'est moi qui reviendrai sous forme d'élan, de fourmilier ou autre chose? Écoutez, prenez ce livre, lisez-le à fond et réfléchissez-y. Bon, d'accord, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Hare Krishna. Qui tu mets en bateau, là? Toi, devenir Hare Krishna? Tu vas te raser le crâne, porter des pyjamas et danser dans les aéroports? T'aurais tout de Jerry Lewis. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je suis déprimée. En préparant cet entretien, vous me disiez également que vous voyez ici dans votre cabinet, Frédéric Fiol, de plus en plus de patients, notamment musulmans, qui arrivaient avec des préoccupations liées au licite, à l'illicite, à ce qu'ils pouvaient respecter ou devaient respecter, et que finalement, ces patients sont de plus en plus nombreux à arriver avec des problématiques et des recherches spirituelles. C'est une grande difficulté. C'est pas oui, il y a des religions qui ont des règles du licite et de l'illicite qui organisent plus la vie quotidienne, et d'autres religions moins. Par exemple, si je suis dans une famille qui va fonctionner de telle ou telle manière, si moi je ressens que ça ne me correspond pas, quitter ma famille tout de suite, est-ce que j'en ai les ressources, est-ce que j'en ai les moyens, est-ce que ça va vraiment me libérer ou est-ce que ça va me créer encore plus de problèmes? Mais de façon générale, c'est vrai que à chaque fois, c'est toute une zone délicate à trouver entre qu'est-ce qui, d'une façon sociale, nous soutient, parce qu'au démarrage, c'est plutôt pour soutenir, la religion est là pour nous soutenir, pour nous libérer, qu'est-ce qui continue de nous soutenir et qu'est-ce qui nous enferme. Et c'est vrai qu'à certains moments, passer des règles qui sont les règles globales à un ressenti individuel qui va nous dire « Ah, à cet endroit-là, j'ai l'impression que ça me correspond plus ben, », c'est quelque chose de difficile. J'ai formé à Saragosse, oui. Et maintenant à Jesús, Ah ben Jésus. Mais oui. Mais Jésus, c'était religieux. Il était, mais oui. Ah ben il avait un nom prédestiné. Lui. Mais voilà. Et puis j'ai eu plein d'élèves. Mais je savais pas que Jésus c'était religieux. Moi non plus. Ah, ça, retour dans les locaux de l'école d'analyse transactionnelle de Paris, aux côtés d'Isabelle Crespel et de ses confrères. Y a-t-il, selon vous, des pathologies mentales qui seraient associées à la pratique religieuse? Alors, je pense évidemment à la possession. Oui, il y a en pathologie mentale ce qu'on appelle le délire mystique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes donc, qui vont structurer un délire autour donc, et de la religion, voire des hallucinations, des choses comme ça. Et voilà, donc il peut avoir une pathologie. Et aussi d'ailleurs, bon, ce qu'on peut penser actuellement, ce qui se passe Daesh et tout ça, s'il n'y a pas déjà une sorte de pathologie collective, hein, le mode de structuration, de fonctionnement, ça rappelle beaucoup un mode de structuration et fonctionnement paranoïaque, ou presque une sorte de délire collectif avec des passages à l'acte. Et là, c'est souvent, quand il y a des intégrismes, on peut se poser la question. C'est souvent, par exemple, des jeunes qui vont se convertir, se radicaliser, sont souvent des jeunes très désœuvrés. Ça veut dire souvent où il y a eu des chocs, par exemple, de culture, où ils ne se reconnaissent, ils n'ont plus d'identité, ni dans une culture, ni dans une autre, sont complètement paumés. Et que souvent, dans un premier temps, la délinquance, en fait, c'est pas délinquance, la délinquance est un symptôme, en fait, d'une pathologie. Chose que malheureusement on n'accepte pas trop, on le voit juste d'un point de vue juridique, mais jamais d'un point de vue psychologique. Or, c'est un symptôme d'une pathologie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme l'angoisse, on va dire, profonde, continue à être là, du coup, dans la radicalisation, il trouve une sorte de soulagement à cette angoisse. Et c'est, à mon sens, c'est un problème de pathologie. Et dont la société, dirais-je, produit aussi ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une réflexion profonde pour vraiment donner une vraie réponse. Pour le moment, malheureusement, on ne donne pas une vraie réponse. Yeah. On ne donne que la répression comme réponse, ok, mais c'est juste une réponse superficielle et actuelle qui ne résout pas les problèmes de fond. Du culte eux-mêmes, ceux qui ont charge d'âme, osent-ils à leur tour pousser la porte du cabinet d'un psychologue? Moi, je considère mon ministère comme une charge professionnelle aussi, et en tant que professionnelle, il me semble qu'on a besoin aussi de l'aide des autres. Alors, Anne-Sophie Dantan, est-ce qu'il est systématique pour des pasteurs d'aller voir un psychologue, ou est-ce qu'il y a une forme de résistance parce que justement ça peut venir remettre en question un système de croyances, de représentations? Non, c'est pas du tout systématique. Peu, enfin, en tout cas, on ne sait pas qui est accompagné et qui l'est pas. Parfois, c'est pas obligatoirement un psychologue, hein. Ça peut être un collègue, ça peut être un tiers. Dans le protestantisme, on n'a pas beaucoup la terminologie de directeur de conscience ou voilà. Moi, j'ai été accompagnée par des gens différents, des psychologues, des psychothérapeutes, et puis plus récemment un psychiatre, thérapeute pendant presque une dizaine d'années. En fait, le chemin à faire, c'est de se dire que demander de l'aide ou avoir de l'aide, c'est pas problématique. Souvent, on a l'image d'un ministre du culte un peu tout puissant qui pourrait gérer par lui-même toutes ces situations. Moi, il me semble que avoir la capacité de demander de l'aide, parce que chacun a besoin d'être aidé par l'autre et chacun a des cordes à son arc différentes, c'est pas un aveu de faiblesse, mais bien plutôt la reconnaissance qu'on n'est pas dans cette toute-puissance. Et puis, me semble-t-il, l'expérience d'être écouté, c'est pas rien. Et ça a, je crois, forgé chez moi une capacité d'écoute de l'autre que je n'avais pas au début de mon ministère et qui, au fil des années, s'enrichit et se... voilà, certainement se colore de nouveaux apports. Moi, je crois que ça manque. J'en ai discuté souvent avec des collègues en les incitant à entreprendre un petit travail en ce sens-là, pas obligatoirement quelque chose de très lourd. On est soumis aussi à une pression du travail qui est lourde. Et en plus, on travaille avec de l'humain. En permanence, on travaille avec des personnes. Moi, je me souviens d'avoir fait, par exemple, certaines semaines, 4-5 enterrements avec des familles en deuil, à porter, à accompagner, à préparer des obsèques, à porter des assemblées, parce que quand on gère un enterrement, on porte une assemblée, on va au cimetière, on recueille les souffrances, les douleurs, les pleurs. À la fin de la semaine, on est fatigué. Et pourtant, la semaine n'est pas finie, puisqu'un ministre du culte travaille le dimanche. Et parfois, on a une petite journée, et pas toujours pour se reposer, se retrouver. C'est très compliqué. En tant que rabbin, Pauline Bebb, pensez-vous que les ministres du culte en général, et pas seulement les rabbins, ont véritablement besoin d'avoir vécu cette dimension psychologique et d'avoir certains outils pour les aider à comprendre les autres au-delà de ce qu'ils ont pu apprendre dans leur tradition, leurs études théologiques? Je pense que c'est essentiel, parce que d'abord, on ne peut pas vivre aujourd'hui sans savoir un petit peu de ce qu'on ne sait pas, d'abord, des limites de notre intervention. Et je pense que c'est très important de lorsque des cas nous dépassent, c'est-à-dire que il y a des cas psychiatriques, par exemple, il est important pour un ministre du culte de pouvoir dire, écoutez, je peux vous aider sur certains points, mais sur d'autres, il faut que vous alliez consulter. Donc c'est important de savoir orienter les gens, et parfois c'est sauver des vies humaines, orienter les gens vers des spécialistes, vers des associations, vers des lignes d'écoute. Donc ça je pense que c'est essentiel de connaître la cartographie de l'aide psychologique et sociale en France, qu'on soit prêtre, rabbin, imam, pasteur, quelle que soit la religion, je pense que c'est essentiel. Et d'autre part, il est vrai que dans nos textes, il y a beaucoup de sagesse psychologique, mais il est normal d'étudier les grandes théories de la psychologie aussi, de les connaître. Dans la formation que j'ai suivie, qui était donc partiellement d'abord en France, puis à Londres, au Leobeck College, avec 3 ans passés en Angleterre et 2 ans passés en Israël, la spécificité de cette formation était d'appuyer sur l'aspect psychologique du travail rabbinique, puisque finalement notre matière, comme la plupart des ministres du culte, c'est l'humain. Et nous travaillons à partir des personnes de la communauté, bien sûr, avec un ancrage dans notre tradition, qui est pour les rabbins la tradition juive, et nous inspirons des textes, à la fois des textes bibliques et des textes talmudiques, mais aussi de petites histoires hassidiques pour aider les gens. Alors, il y avait dans notre formation, pendant chaque année, pendant 2 à 4 heures par semaine, des cours de psychologie. Et plus on avançait dans les études rabbiniques, plus c'était des études de cas que nous avions vécues dans les différentes communautés dans lesquelles nous étions déjà en service comme étudiants rabbins. Donc la formation psychologique a été très solide, je pense. Parce que finalement, faire l'office, c'est une chose, mais accompagner les familles en temps de crise, et ça peut être toutes les crises humaines. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être au contraire quelque chose de joyeux. Mais tout ce qui touche à l'humain et l'émotion, avec cette dimension psychologique, même si nous ne sommes pas des psychologues, et une des premières questions lorsque nous sommes arrivés au collège, c'était... quelle est la différence quand on va voir un ministre du culte, un rabbin, ou quand on va voir un psychologue, qu'est-ce qu'on attend de différent? Donc, nous ne nous prenons pas pour des psychologues et nous ne faisons pas de thérapie, mais nous faisons un travail qui est parfois parallèle. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une entraide, tout en gardant bien sûr le secret professionnel, il peut y avoir une entraide et il n'est pas rare que des gens de ma communauté, par exemple, soient suivis par un psychologue d'un côté et viennent chercher autre chose chez le rabbin, une autre forme d'accompagnement. C'était Divin Divan, un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Rafik Zénine. Prise de son, Laurent Macchetti, Jean-André Giannichini. Mixage, Alain Joubert. Documentation, Maria Contreras. Stagiaire, Virginia Cadjovi. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervan. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous allonger, bibliographie, lien, nous podcaster pour la séance ou nous réécouter après la prière, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les belles pages, justement, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et pour le podcast, c'est aussi sur tout un tas d'autres plateformes. Demain, dernier épisode, Vivre sa foi à l'hôpital. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire qui propose, par abonnement, une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pendant 2 semaines, vous pouvez regarder gratuitement le documentaire La Maison de la Radio de Nicolas Philibert. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de la chaîne, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création on Air et Une Histoire Particulière.